pris sur le vif. Écoutez. Madame, s'il vous plaît, vous avez un billet? Non, mais je ne prends pas le train. Je vais seulement attendre quelqu'un. Je ne peux pas vous laisser passer. L'accès au quai est interdit aux personnes non munies d'un billet. Répétez. Madame, s'il vous plaît, vous avez un billet? Non, mais je ne prends pas le train. Je vais seulement attendre quelqu'un. Je ne peux pas vous laisser passer. L'accès au quai est interdit aux personnes non munies d'un billet. Écoutez. Un aller-retour pour Marseille, s'il vous plaît. En seconde ou en première? En seconde. Répétez. Un aller-retour pour Marseille, s'il vous plaît. En seconde ou en première? En seconde. Écoutez. Monsieur, s'il vous plaît, pour aller à la gare Saint-Lazare, quelle direction je dois prendre? Vous prenez la direction de Neuilly et vous changez à la Concorde. Saint-Lazare est à 2 stations. Répétez. Monsieur, s'il vous plaît, pour aller à la gare Saint-Lazare, quelle direction je dois prendre? Vous prenez la direction de Neuilly et vous changez à la Concorde. Saint-Lazare est à 2 stations. Écoutez. Monsieur l'agent, est-ce que je peux laisser ma voiture ici? Non, le stationnement est interdit tout le long du quai. Mais vous avez un parking à 100 mètres. Répétez. Monsieur l'agent, est-ce que je peux laisser ma voiture ici? Non, le stationnement est interdit tout le long du quai. Mais vous avez un parking à 100 mètres. Écoutez. Mademoiselle, le vol 524 pour Londres n'est pas encore annoncé? Non, il est retardé pour des raisons techniques. Vers quelle heure devrait-il partir? Vers 20h, je pense. Alors, que fais-tu? Tant pis, j'enregistre tout de suite et je vais à la salle d'attente. Ça ne vaut pas le coup de repartir. Répétez. Mademoiselle, le vol 524 pour Londres n'est pas encore annoncé? Non, il est retardé pour des raisons techniques. Vers quelle heure devrait-il partir? Vers 20h, je pense. Alors, que fais-tu? Tant pis, j'enregistre tout de suite et je vais à la salle d'attente. Ça ne vaut pas le coup de repartir.